Youpidou. Je m'intoxe ce Youpidou et lui qui s'en va fait des mots d'amour, c'est pas le jour. Un mot de trop, c'est ce qu'il faut. Je vais faire un tour aux alentours. J'ai le moral au grand zéro. Des mots d'amour, c'est pas le jour. Un mot de trop, c'est ce qu'il faut. Je vais méditer aux alentours, tout qui décolle, les morceaux. Youpidou, je suis sur